الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس لقد دخلنا في شهر الله المحرم وهو أول شهور السنة الهجرية وأحد أشهر الحرم التي قال الله تبارك وتعالى فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وأشهر الحرم أيها المسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ومن شار في هذا الشهر أنه أضيف دون غيره إلى الله سبحانه وتعالى فيقال شهر الله المحرم تشريفا له ومن خصائصه وفضائله أنه أفضل الصيام بعد رمضان أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة أو بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وفي شهر الله المحرم يوم جليل القدر هو يوم عاشوراء وهو معظم من قديم الزمان ومعظم من قديم الزمان إذ فيه نجاه الله تبارك وتعالى العزيز الرحيم موسى عليه السلام وبني إسرائيل من فرعون وجنوده وأغرقهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما أي عاشورا فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه رواه البخاري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامه ويرغب في صيامه أصحابه الكرام قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيري إلا هذا اليوم أي عاشورا وهذا الشهر يعني رمضان رواه البخاري وصيامه أيها المؤمنون مغفرة ذنوب وغنيمة باردة وأجور عظيمة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم أي من صام يوم عاشورا من صام يوم عاشورا كفر الله سبحانه وتعالى له سيئات سنة كاملة وهي سنة التي مضت إذ شهر الله المحرم شهر الأول من السنة الهجرية ويستحب للمسلم أن يصوم معه أي مع عاشورا يوما قبله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر رواه مسلم والحكمة من ذلك مخالفة أهل الكتاب وفي أول الأمر كان صيام يوم عاشورا واجبا ثم نسخ إلى الاستحباب لما فرض الله عز وجل على المؤمنين صيام شهر رمضان كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري فالمشروع في يوم عاشوراء إنما هو صيامه لا الاحتفال بعيد ولا تخصيص هذا اليوم بالحزن ولا بغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد أي مردود على صاحبه لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه بدع ومنها هنا تعلم خطأ من يهني صاحبه أو أخاه أو والده بحلول السنة الجديدة هذه من البدع والمحدثات والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه وهذه السنة يوافق يوم عاشوراء يوم السبت فمن أراد هذه الأجور العظيمة فعليه أن يصوم يوم الجمعة ويوم السبت وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد Nous venons d'entrer dans le noble mois, le mois d'Allah El-Muharram, et c'est le premier mois de l'année lunaire. C'est le premier mois des 12 mois de l'année lunaire. Et c'est l'un des 4 mois qu'on appelle Ashhurul Hurum, les mois sacrés. Les mois sacrés. Et dans Surah At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala y fait référence. Lorsqu'il nous dit que le nombre des mois chez Allah sont au nombre de 12 dans le livre d'Allah. Le jour il a créé les cieux et la terre. Et parmi ces 12 mois, 4 sont sacrés. Parmi ces 12 mois, 4 sont sacrés. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Abu Bakr, radiallahu anhu, dans le Bukhari Muslim, nous a exposé quels étaient ces 4 mois. Il nous dit 3 se suivent, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja et Al-Muharram. Puis il y en a un à part qui est le mois de Rajab. Voici les 4 mois sacrés, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Al-Muharram et le mois de Rajab. Allah subhanahu wa ta'ala a anobli le mois de Muharram du fait qu'il a été annexé à lui subhanahu wa ta'ala contrairement aux autres mois. Et ceci afin de nous montrer sa grandeur et sa noblesse d'entre les autres mois. Et parmi ses spécificités, ses mérites et ses particularités, le fait que de jeûner dans le mois de Al-Muharram est meilleur que de jeûner dans un autre mois, exception faite du mois de Ramadan, bien sûr. Le Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jeûne après le mois de Ramadan est le mois de Muharram. Et le mois d'Allah al-Muharram. Le meilleur jeûne après Ramadan est le mois d'Allah al-Muharram. Et la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière de nuit, rapportée par l'imam Muslim. Et en ce mois, le mois d'Allah al-Muharram, il y a un jour immense, il y a un jour très noble, c'est le jour de Ashura, c'est le 10e jour de ce mois, c'est le 10e jour de ce mois, et cette année il tombera un samedi, pas demain mais celui qui suivra. Aussi, il a été immensifié et cela, même en dehors de la communauté musulmane. Car c'est le jour durant lequel Allah Azza wa Jal a sauvé le prophète Moussa alayhi salam, ainsi que Banu Israël. Il a noyé Pharaon et son armée. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé que des gens du livre jeûnaient le 10e jour du mois de Muharram. Il leur a demandé à propos de ce jeûne et de ce jour. Ils lui ont répondu: c'est un jour immense, le jour durant lequel Allah a sauvé Moussa et a noyé Pharaon et ses suiveurs. Alors Moussa alayhi salam l'a jeûné. Alors Moussa alayhi salam a jeûné ce jour à titre de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wa salam a donc dit: je suis plus en droit de me réclamer de Moussa. Je suis plus en droit que vous de me réclamer de Moussa alayhi salam. Il a donc jeûné le jour de Ashura et a ordonné aux musulmans de jeûner. Et sachez qu'au début, ce jeûne était obligatoire. Puis lorsqu'Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: celui qui veut le jeûner, le jeûne. Et celui qui veut le délaisser, le délaisse. Donc il n'est plus obligatoire, mais recommandé. Et le prophète alayhi salatu wa salam ne le manquait jamais. En effet, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit: je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam viser un jour de jeûne comme le jour de Ashura. Aussi, le prophète alayhi salatu wa salam nous a encouragé à jeûner le jour de Ashura et nous a informé, nous a annoncé un grand pardon de la part de notre Seigneur. Une énorme récompense de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, le généreux. Abu Qatada radiallahu anhu nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'espère en Allah qu'il expie, qu'il efface, qu'il pardonne les péchés de l'année passée. C'est-à-dire que celui qui jeûne le jour de Ashura, Allah azza wa jal lui pardonne les petits péchés de l'année passée. Quant au grand péché, comme c'est connu chez Ahl Sunnah, il faut un repentir. Il faut un repentir pour se les voir effacer. Et sachez qu'il est recommandé de jeûner en plus du jour de Ashura, le 10e jour du mois de Muharram, le 9e jour. Car Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu nous rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je vis jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai également le 9e jour. Donc la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, pour se distinguer des gens du livre, est de jeûner le 9e jour du mois de Muharram, ainsi que le 10e jour du mois de Muharram. Ceci est la meilleure chose à faire. Sinon il est également permis de jeûner le 10e jour et le 11e. Ou encore, et c'est moins méritoire, le 10e jour seulement. Et pour finir, sachez que ce qu'il est légiféré le 10e jour du mois de Al-Muharram est de jeûner ce jour, et non pas de célébrer une fête, un Eid, non pas de le spécifier par des actions comme la prière de nuit ou autre. Car le prophète alayhi salatu wa salam nous a interdit les innovations, nous a interdit toute innovation et nouveauté religieuse. Il nous dit dans le hadith de notre mère Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui apporte une nouveauté dans notre religion alors qu'elle n'en fait pas partie sera rejeté. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal n'accepte pas les innovations et qu'elles sont interdites et proscrites en islam. Et le jour de Ashura, certaines personnes s'adonnent à l'innovation pensant ainsi se rapprocher d'Allah. Or, cela les éloigne d'Allah. Or, cela les éloigne de la voie de leur prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Certains, au début du mois de Muharram, à l'entrée de la nouvelle année, se souhaitent la bonne fête. Ceci ne fait pas partie de ce qu'on a lu dans le Coran. Ceci ne fait pas partie de ce qu'on a lu dans la Sunna. Et c'est une chose proscrite que d'innover en matière de religion. Il nous faut suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et rien n'ajouter. Ceux qui se souhaitent la bonne année ou s'envoient des messages avec cela ont emprunté un chemin qui est erroné, un chemin qui est blâmable et qui n'est pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car ni le prophète alayhi salatu wa sallam n'a fait cela, ni les compagnons n'ont fait cela, ni les savants de l'islam, de la sunna n'ont fait cela. Et d'autres prennent ce jour-là en jour de tristesse, en jour de commémoration, et ça donne à tout acte blâmable. Tout cela, bien évidemment, n'a rien à voir avec l'islam. Tout cela, bien évidemment, il n'a rien à voir avec l'islam. La sunna, le jour de Ashura, est de le jeûner. La sunna, le jour de Ashura, est de le jeûner et de ne pas faire ce qu'on ferait le jour de Eid al-Fitr, ni le jour de Eid al-Adha. Aussi, un de nos chers frères bien-aimés, le frère Abdul Jalil de Lyon, et ses proches, à l'image de ses trois enfants, ont été éprouvés ces derniers jours par une grande épreuve. Et je mentionne cela afin de m'associer à eux dans leur tristesse, d'invoquer en leur faveur, mais également parce qu'il y a des signes et un rappel pour les gens doués d'intelligence. Ce frère est donc marié à une épouse pieuse qui revient de la Umrah du mois de février. Puisse Allah accepter cela d'elle. Et il y a quelques jours, elle est partie dormir. Et lorsqu'on a voulu la réveiller pour le Fajr, on a trouvé qu'elle était décédée, rahimahallah. Elle n'était pas malade et ne se plaignait pas. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal décrète la reprise d'une âme, nul ne peut repousser ce terme ni même l'avancer. Elle n'était pas âgée ni malade. Et pourtant elle est décédée, rahimahallah, laissant après elle trois enfants dont le plus grand a 10 ans. فَنَسْأَلُ subhanahu wa ta'ala an yarhamaha wa an yaghfira laha wa an yataqabbala minha salih al-a'mal wa an yarfa'a darajatiha fi al-jannah kama nas'aluhu tabaraka wa ta'ala wa huwa al-latif al-wadud ar-rahim ar-ra'uf an yarhama ahlaha wa an yusabbirahum wa yusliha awladaha wa an yahfazahum wa yuwaffiqahum wa an yahdiyahum. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de l'accueillir dans sa miséricorde, d'accorder l'endurance et l'espoir de la grande récompense de la perte de l'être cher à notre frère Abdul Jalil, et de préserver ses enfants, de les guider et d'accorder à l'ensemble de ses proches et de ses connaissances l'endurance. Et ne vous pensez pas loin de cette finalité. La mort est la finalité de chacun d'entre nous. Elle ne prévient pas. Elle n'est pas destinée à un groupe de personnes ayant dépassé un âge déterminé. Cette femme n'était pas âgée ni malade, et pourtant son âme a été récupérée. On demande à Allah Azza wa Jal pour l'ensemble la bonne fin. Wallahu a'lam wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.